Ouais, je t'entends. Là, ça marche bien.

ton s'il joue Camille. C'est quoi? C'est les 4 saisons de Vivaldi. Voilà.